Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Voici maintenant une capsule de la série « Mais qui sont ces personnages qui ont donné leur nom au pavillon de notre université ?» Pierre Boucher, explorateur. Pierre Boucher, devenu Pierre Boucher de Boucherville, est un explorateur et un colon de la Nouvelle-France. Il accompagne son père Gaspard Boucher et quitte la France pour la Nouvelle-France en 1634. Après avoir appris plusieurs langues amérindiennes, il participe comme un donné, interprète aux missions des pères jésuites auprès des Hurons et revient s'établir à Beauport en 1641. En 1644, il va s'établir aux Trois-Rivières, il est élu capitaine de milice en 1651 et commande la défense de la ville lors d'une attaque iroquoise en 1653. En 1661, il retourne brièvement en France pour défendre les intérêts des colons auprès de la métropole. Il revient en 1662 comme gouverneur des Trois-Rivières, poste qu'il occupera jusqu'en 1667 quand il partira fonder sa seigneurie et Boucherville, le village qui porte son nom. En 1664, Pierre Boucher fait imprimer à Paris, par Florentin Lambert, l'histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite le Canada. Cet ouvrage sera republié sous plusieurs formes au 19e siècle. En 1661, Pierre Boucher fut le premier colon canadien anobli par Louis XIV. Un musée d'art de la ville de Trois-Rivières porte son nom, ainsi qu'un hôpital de la ville de Longueuil. C'était une capsule de la série « Mais qui sont ces personnages qui ont donné leur nom au pavillon de notre université? » Ben, on va l'apprendre comme ça, là, en écoutant des capsules. Ben oui, mais il en a fait des choses, ce monsieur Boucher. Ben oui, merci, Pierre Boucher, donc. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine dans le dîner de cons sur Chiffrou 89. Dans le cul, OM, dans le cul, dans le cul! Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir.